Yeah, enfant du bloc, c'est psychiatre à 2005. Yeah, andiamo, je sors tout droit d'une cellule de crise. Les psychologues n'ont rien pu faire, l'image est dans la matière grise. Au nom de qui ou de quoi on se prononce, c'est la jeunesse France, celle qui cotise alors qu'elle meurt à l'enfance. Soyons unis et droits, éveillons nos sens et marchons. Pas d'autostop sur le chemin du mérite, faut s'y rendre avec ce qu'on hérite. La foi, le courage, l'opinion politique, faut que nous marchions. On fait partie de l'histoire, grand. Ils écriront pas à notre place, c'est nos petits qui en payent la casse. Je crois que dans 10 ans, on sera que des matricules flashés à 2-20 dans la bêtise, faut que nous marchions. Voilà l'élite psychiatrique Top Gun. Voilà l'équipe de rap, hommage à Notorious et Big Pun. Sous-marin à la nage, on dit être trop jeune, trop fun. Malgré qu'on ait autant la rage qu'un punk. Le smash au buzzer qui fait acclamer la foule. Le clash d'une écoute trash, deuxième épée qui se coule. Quatre mecs barges aux charges nucléaires. Si t'as des couilles à plus, car on fait pas partie de la même poule. L'averse et le cyclone, le changement de climat qui vient perturber l'hexagone. Autre chose dans ce monde, pour que je vive sans mes rêves. En fait, c'est comme si EDF faisait la grève. En clair, je viens définir nos règles. Enfant de la lune, je défends le territoire comme le nid d'un aigle. J'intègre un vol plané car y'a trop de jalousie. On vient poudrer la France comme la cam en Colombie. Mec, dans mon district, faut se battre pour régner. Mais ne fais pas grave aux grosses putes qui sont juste bonnes qu'à grogner. Psychiatre, c'est pas l'effet de TV street réalité. Ça parle de blocs, de shots, de doc, la street réalité. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Ils ont redonné les clés de la maison blanche à bouche. Hitler a fait des gosses et on les laisse tous vider leurs cartouches. La dalle continue sa colonie africaine. Et nos trottoirs sont des commerces de mineurs venus d'Ukraine. Une carte postale n'est pas une fenêtre pour voir le monde. Ne crois pas Hollywood, ici le courage à castrer les hommes. Y'a pas de héros, on scie des barreaux avec de l'héroïne, vos héros. Chez nous sont terroristes et zéro. Positif ne touche plus. Une élimination à la Starac ne touche plus. Au Moyen-Orient on tape à ta porte avec une crosse. Et en Europe certaines les églises sont des maisons closes. Diego, te voir te lever à 16h, matrice. Ces fils de pute t'ont dit qu'un peu EP c'est mieux qu'une maîtrise. Si soit tu dribbles, soit tu rimes. Certains se contentent du RMI. C'est plus constant que de l'intérim. C'est triste, ma mère est pauvre, sa mère encore plus. Beaucoup sont dans mon cadre compliqué que je les représente tous. Psychiatre, c'est un scalpel contre un col. Si je chante mes fausses notes, c'est pour que la pluie tombe sur nos récoltes. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Enfant du bloc, même en 2005, on crache pas dans la chorba ni dans le maélé. On mord pas la main qui nous nourrit, tatoué au aîné. À chaque hit apparaissent des rides sur le visage des mères. Eh ouais, les gars ici, ça vend du shit, ça vend des crosses, ça vend de l'or. Ça vend même son frère pour des accords avec la God. Ça va fumer au parc Saint-Georges, ça traîne très tard dehors. Psychiatre, pas question de faire. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs, c'est Zika. Pour tous les mecs des blocs,